Continuons. Qu'à cela ne tienne, on ne s'accroche pas, pas à ça. Ici ou là, des ricanements discontinus, tout proches. Pourchassant pas à pas dans des couloirs vides, je sens monter en moi la peur du bide. Que s'élan vienne, m'accrocher depuis le passé, me donner le là, me rendre roche, foi et loi. Me ramener à moi, au fond, sans phare, con, rigole un peu de lire les autres en cœur, la bouche et le cul engoncé incidemment dans un trône. Trop petit, trop mesquin, trop, mais insidieusement, pas assez encore pour se révéler et tronc véritable. Je table là-dessus, texte jetable, attablé au comptoir. J'en perds mon latin, certes, mais pas le nord. À voir. Alors encore, au bord du gouffre, comme mort, j'entends la plainte du lamentin royal, d'un mandarin sans mandrin, grand allemand sourd à la mine d'Algazil, entouré de zélotes et autres zélés, pleurer la terre qui ne retient pas son empreinte. C'est qu'il faut du poids pour oser poindre de la sorte. Qu'importe le bruit et la fureur, l'alfange se lèvera, toujours au-dessus de mon bras vengeur austral. En Corée, fort du dégoût, comme Orient, j'attends. Rien du matin solaire, au serpent du soir, le vent et encore. Je ne suis pas étranger aux élévations vers les Séniens, simplement pleutre et menteur de mon emprunt. C'est qu'il faut de la voix, moi qui n'en ai pas. J'ai cru rêver, fantasmer, un voyage de piraterie. Mais je suis ici, encore, là, coincé, entre ma peur et mes rêveries. Mille symptômes, irrésolument non diagnostiqués. Des ordres du chien et volonté de philosophe atone. Sus.